Chapitre deuxième. Le lendemain soir, il y avait fête au château du comte Hercule de Monteleone. C'était une nuit féerique. Jamais encore on n'avait déployé plus de splendeur et plus de luxe. Le parc, les jardins, des bois entiers, étaient décorés ou illuminés comme si l'on eût attendu un prince. Le comte Hercule en avait eu dans sa famille, famille rigide, d'une vertu antique, qui n'avait jamais transigé avec les lois de l'honneur. Le comte était un vieillard d'une soixantaine d'années environ, grand, maigre, d'un aspect sévère. Ceux qui le connaissaient admiraient en lui la générosité du caractère et l'austérité du maintien. Ceux qui ne le connaissaient pas le considéraient généralement comme un revenant des temps héroïques, oublié par la mort, au milieu des hommes de notre époque. On racontait de singulières histoires sur les Monteleone, sombres aventures, drames terribles, qui témoignait d'une rigidité farouche sur les principes si relâchés aujourd'hui de la fidélité conjugale. Le comte Hercule était le dernier représentant mâle de cette vieille souche princière, et c'est dans l'unique espoir de se donner un héritier que, malgré son âge avancé, il avait consenti à courir les chances d'un mariage. La comtesse était jeune, d'un esprit élevé, d'une beauté ardente. Elle avait 17 ans à peine quand le comte la demanda. Elle ne savait encore rien de la vie. Elle accepta ce mariage comme un moyen d'échapper au couvent et d'entrer dans ce monde dont elle avait vaguement entendu parler et qui miroitait depuis longtemps à l'horizon de ses rêves. 5 années s'étaient écoulées depuis et le comte n'avait point encore d'héritier. La comtesse vivait simplement. Elle passait l'hiver à Turin. Elle était dans son palais de plaisance. Elle allait rarement dans le monde, ne recevait guère que quelques amis intimes de son vieil époux et ne paraissait pas se douter qu'il eût une autre existence que celle qu'elle menait. Cependant, le caractère du comte Hercule s'était peu à peu assombri. Le chagrin et le désappointement avaient creusé des rides profondes sur son front, et avec le dépit amer, un autre sentiment était entré dans son cœur et y avait jeté le trouble, la colère sourde et la haine aveugle. Le comte était jaloux. Jaloux de rien, sans doute. La vieillesse est ombrageuse. Jamais la médisance n'avait pu trouver à reprendre à la conduite de la comtesse. C'eût été folie de la soupçonner. Elle vivait calme et reposée, sous les yeux de son époux. Elle ne s'était jamais plainte et ne demandait point d'autre existence. Mais le comte était jaloux. Malgré lui, au fond de son cœur ulcéré, il sentait que la comtesse n'était point heureuse. À de certains jours, il l'avait trouvée le front penché, les lèvres pâles, le visage triste. En vain s'efforçait-elle de sourire. Le comte devinait tout. L'insomnie de la nuit, la désespérante solitude du jour, le regret du passé, l'effroi de l'avenir. Le comte aurait donné le peu de jours qu'il lui restait à vivre pour pénétrer, ne fût-ce qu'une seconde, au fond de ce cœur brisé qui retenait si mal ses premiers troubles et ses premières tristesses. Telle avait été la source des soupçons du comte Hercule, mais insensiblement ces soupçons avaient dépouillé leur forme vague. Quelques faibles rayons étaient venus éclairer l'obscurité profonde qui l'enveloppait, et enfin, un jour, il avait cru voir. Jour terrible ! Le comte s'était contenu, cependant. Tout devait dépendre de son calme et de son sang-froid. Un mot seulement, un geste, un regard, le moindre indice, pouvait l'empêcher de connaître à jamais la vérité. Il avait réussi. Cependant, les invités arrivaient en foule. Toute la jeunesse titrée du Piémont s'était donné rendez-vous chez le comte, et chacun admirait le bon goût, l'élégance, le luxe qui avait présidé à la fête. Seul le comte Hercule passait indifférent au milieu de toutes ces splendeurs, ce bruit, ce mouvement, cette harmonie, tout cela semblait impuissant à le distraire. La veille, un homme s'était introduit chez lui pendant qu'on le croyait parti. Il avait tiré sur cet homme au moment où il tentait d'escalader un mur de clôture. Le matin, il avait vu l'empreinte de ses pas et la trace de son sang sur le sable des allées. Ce souvenir ne le quittait plus. Il lui fallait à tout prix le nom de cet homme. Une tâche avait été faite à son nom et il en voulait tirer une vengeance éclatante. Le comte avait compté un à un toutes les personnes invitées. Il se tenait en effet dans la première salle, épiant l'arrivée, écoutant avec une sauvage inquiétude les noms que jetaient les valets au milieu du tumulte du bal. Tous ceux qu'il avait pu soupçonner étaient présents, tous, un seul excepté cependant. Celui qui manquait à l'appel était presque un enfant. Il se nommait Raphaël de Cerny. Il était attaché en qualité de premier secrétaire à l'ambassade de France et pouvait avoir 25 ans à peine. En se rappelant ce jeune homme, le comte se prit à frissonner. Il l'avait vu peu souvent, à la vérité. Il était fort peu assidu auprès de la comtesse. Il y avait tout au plus 1 an qu'il habitait Turin. La supposition d'une liaison était ridicule peut-être, mais Raphaël était beau, jeune, plein de vivacité et d'ardeur, et il manquait à la fête. Un voile de sang passa sur les yeux du comte. Si c'était lui, pensa-t-il avec un frémissement. En ce moment, et comme si le hasard se fût chargé de répondre à ce soupçon, un certain mouvement se manifesta à la porte d'entrée et les valets annoncèrent « Monsieur Raphaël de Cerny ». Le comte réprima un mouvement de rage et son regard se porta avidement sur celui qui venait d'entrer. Raphaël de Cerny n'était autre que le blessé recueilli la veille par le docteur Urbino. Il entra le visage souriant et la démarche assurée. Tout l'éclat de sa jeunesse resplendissait sur son front pâle et la joie insouciante de ses 25 ans éclatait dans son beau regard. Il salua le comte avec empressement, s'excusa facilement d'arriver un des derniers et après avoir échangé quelques paroles, il alla se perdre dans la foule qui encombrait les salons. Le comte était resté immobile et absorbé dans ses doutes et son indécision.